Yeah, Messaoud et Baka, c'est box le beat ma gueule. Yeah. Et on aperçoit des portes sans savoir ce qui peut se cacher derrière. On fonce quand même, le genre de mec instable qui souhaite un plan de carrière. Un plan de vie déjà ce serait pas mal. Même si on sait que l'esprit se pavane, la réalité te balade. Y'a des faux culs mais pas de faux coups. Des galères on s'adapte, faut que je recule et pas de beaucoup. Si je veux la mettre la patate, on sait que l'avenir sera trouble. Et moi je trouve que pour prouver ce qu'on est, on a bien le temps de finir rouge écarlate. Frère je vois que les obstacles te forgent et te savates. Un spectacle de forme mais le fond t'étrangle comme une cravate. On cravache pour un boss qui s'en bat les yeux. On gagne une misère et pour une prod tu demandes sans pas le fuck. On m'a bien dit que tout travail mérite salaire, mais quand le salaire est amoindri, dis-moi, est-ce que le travail vaut cette galère? Ouais je me sens poussé par l'envie d'aller de l'avant. Cette peur de l'inconnu s'efface tandis que le plaisir de connaître c'est d'or. Goûte, goûte au profond dilemme dans ma voix. C'est dur de croire qu'on avance les deux pieds sur le fil du rasoir. Nos doutes, nos peurs sont transposées dans nos versets. Courir sans fatigant et peut-être pas récompensé. Alors goûte, goûte au profond dilemme dans ma voix. C'est sûr que la suite n'est pas gagnée, mais t'inquiète pas que je veux la voir. Je doute, je me méfie de ce qu'on peut nous réserver. Sans me résigner, l'avenir sera fascinant mais si mal dessiné. Parce que je prends les prophètes pour modèles. Je n'ai pas les mêmes critères que la grande Babel. Leur enfer comme leur paradis ne sont qu'artificiels. Me compare pas au rappeur Clan Campbell. Clan Campbell, la foutaise. Rap conscient ou rap game, puissais-je être à l'abri du rap de faible, de fable pour un homme. Voilà le panel, je me fais la belle quand d'autres y cherchent la part belle. Ils me voient loin du matin et me crie que j'échoue, mais y'a bien longtemps que j'ai à cause. Le cas et rapporte même cause là que bourgeois sénile. C'est lié, sûr qu'ici je me fiche d'être dernier. T'es un R, t'auras le denier. T'es les deux, t'auras le déni. La hache de guerre est déterrée, atterrie. Rien ne sert de courir ou même figer. À toi vient la ligne d'arrivée. Alors goûte, goûte au profond dilemme dans ma voix. C'est dur de croire qu'on avance les deux pieds sur le fil du rasoir. Nos doutes, nos peurs sont transposées dans nos versets. Courir sans fatigant et peut-être pas récompensé. Alors goûte, goûte au profond dilemme dans ma voix. C'est sûr que la suite n'est pas gagnée, mais t'inquiète pas que je veux la voir. Je doute, je me méfie de ce qu'on peut nous réserver. Sans me résigner, l'avenir sera fascinant mais si mal dessiné. On n'apprend rien avec des si et pourtant ici rien n'est sûr. T'avances pas trop quand t'es bloqué entre résine et moisissure. Comment te le dire qu'il faudrait changer d'air, plus facile à dire qu'à faire. Étonnamment j'apprends qu'il faut super pour que le champ s'éclaire. Avant que mon champ s'enterre, marque le temps de son caractère. J'ai marqué le banc et je me levais que quand j'avais un bif à faire. Tu vois le délire, tu vois pourquoi je rêve d'un autre scénar. Pourquoi j'hésite, pourquoi j'attendrai pas que le rap schémar. Pour faire ma vie, pour construire mon édifice. Maintenant je sais que c'est pas l'alcool, le shit qui fera le paradis fils. Vivre sans artifice n'est pas spectaculaire. Je comprends que la vie est faite de sacrifices. Et jusqu'ici rien d'ordinaire. Alors goûte, goûte au profond dilemme dans ma voix. C'est dur de croire qu'on avance les deux pieds sur le fil du rasoir. Nos doutes, nos peurs sont transposées dans nos versets. Courir sans fatigant et peut-être pas récompensé. Alors goûte, goûte au profond dilemme dans ma voix. C'est sûr que la suite n'est pas gagnée, mais t'inquiète pas que je veux la voir. Je doute, je me méfie de ce qu'on peut nous réserver. Sans me résigner, l'avenir sera fascinant mais si mal dessiné.